C'est peu dire qu'en sortie de confinement, les drones n'ont pas vraiment bonne presse auprès du grand public. Leur usage par la police pour surveiller le respect des mesures de confinement, voire pour verbaliser certains citoyens contrevenants, fait flotter dans l'air comme un parfum de Black Mirror, cette série dystopique britannique qui a pris ces dernières semaines de faux airs de documentaire. Si la mission principale des drones contemporains est de fait l'acquisition d'images ou d'informations, leur emploi n'est pas que policier ou militaire, loin s'en faut, et nous ne sommes qu'au début de l'ère des drones, en route vers une totale autonomie et surtout vers une utilisation en essaim. Black Mirror, vous avez dit ? Drone, la nouvelle conquête des airs, c'est le programme sans pilote qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct. Et pour évoquer cette nouvelle conquête des airs, ce que permet la technologie d'aujourd'hui, ce qu'elle permettra demain et pour quels usages, nous avons le plaisir de recevoir comme chaque jour à distance Serge Chaumette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur et membre du conseil stratégique Drones et nouveaux usages d'Aerospace Valais. Vous êtes professeur à l'université de Bordeaux, chercheur au laboratoire bordelais de recherche en informatique et cofondateur de la start-up Preditic. Et Simon Lacroix, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur CNRS au laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes à Toulouse. Mais pour commencer, elle survole chaque jour avec son regard aiguisé auquel rien n'échappe, l'actualité scientifique ainsi que celle de la Covid-19. C'est Natacha Trioux pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une prépublication sur le site Archive et une nouvelle hypothèse sur Oumuamua, le premier objet interstellaire. Oumuamua, c'est le premier objet que l'on a détecté dans notre système solaire, mais qui vient d'un autre système planétaire. Long de 800 mètres, il a la forme d'un cigare. Et depuis 2017, on l'a d'abord considéré comme une comète, puis comme un astéroïde, puis finalement comme un objet d'origine interstellaire. Ses propriétés sont bizarres, sa nature et ses origines restent troubles. Oumuamua ne dégaze pas, il n'y a pas de coma, de queue de comète, et pourtant, on observe des pointes de vitesse et une trajectoire qui s'accélère. Selon une étude parue dans Nature Astronomy en avril, Oumuamua pourrait être un morceau de planète. Cette prépublication avance, elle, une autre hypothèse. Marie-Yvonne Gerlin est directrice de recherche CNRS et travaille à l'Observatoire de Paris. Cette prépublication, elle apporte une analyse différente de ce qui était jusqu'à présent parce qu'elle suppose que cet objet vient d'endroits qui sont extrêmement froids et aussi tellement froids que l'hydrogène est gelé et que c'est l'évaporation d'hydrogène gelé qui explique la trajectoire particulière de cet objet. En fait, ce travail explique non seulement la trajectoire, mais explique aussi la forme de cet objet. Alors, faut voir que cet objet, il a aussi une forme absolument inhabituelle par rapport à ce qu'on connaît des objets du système solaire, des comètes, des astéroïdes. Mais par contre, il y aurait d'hydrogène, une quantité significative d'hydrogène moléculaire glacé, et que cet hydrogène, il se serait évaporé petit à petit, il se serait évaporé, et en s'évaporant, il ne s'évapore pas de manière homogène, et donc c'est ça qui fait qu'il s'évapore de la surface, donc l'épaisseur diminue. Donc l'hypothèse de l'hydrogène, c'est parce que même si l'hydrogène s'évapore, on ne peut pas détecter cette évaporation. En fait, on n'a pas, toutes les observations qui ont été faites n'étaient pas conçu pour pouvoir détecter l'hydrogène. Voilà, si vous voulez retrouver le lien vers la prépublication sur le site Archive, eh bien vous pouvez la retrouver sur notre fil Twitter ainsi que tous les liens vers les études citées et puis plusieurs compléments d'écoute à notre émission sur le fil Twitter donc @laméthodefc. Et on passe au bref. On fait le point quotidien sur l'avancée de la recherche autour du coronavirus. L'OMS a déclaré, Natacha, qu'il semble rare qu'une personne asymptomatique transmette la maladie. Une déclaration sur laquelle l'Organisation mondiale de la santé est vite revenue. Est-ce qu'une personne contaminée qui ne présente aucun symptôme transmet le virus? C'est l'une des grandes inconnues de l'épidémie. Il y a à ce jour trop peu d'études à ce sujet pour pouvoir trancher. La question de la transmission asymptomatique reste une question ouverte. Ce qui est certain, c'est que la transmission présymptomatique, 2 jours avant l'apparition d'une fièvre ou d'une toux, a été prouvée. The Astrophysical Journal relate la découverte d'un nouveau type d'explosion stellaire. Et en 2018, une équipe américaine a observé dans une galaxie située à 200 millions d'années-lumière une explosion extrêmement lumineuse, même pour une supernova, baptisée ensuite The Cow, la vache. Les chercheurs ont observé deux événements similaires, tout aussi inhabituels, et ont ouvert une nouvelle catégorie d'explosion, celle des phénomènes optiques bleus transitoires. Bleus parce qu'elles sont plus chaudes que les supernovas, elles apparaissent et disparaissent plus rapidement, et différentes de celles qui produisent des sursauts gamma, ces explosions proviendraient d'étoiles massives en fin de vie. Dans des travaux publiés dans la revue CS Energy Letters, une batterie au sodium-ion rivalise avec les batteries lithium-ion. Ouais, cela pourrait être une alternative aux batteries traditionnelles, d'autant que le lithium nécessaire à leur production est, comme toute ressource naturelle, une ressource limitée. Des batteries à base de sodium, autrement dit en sel, seraient une option plus écologique. Mais jusqu'à présent, leur capacité de stockage et leur durée de vie sont limitées. Cette équipe américaine vient d'en perfectionner la chimie. Ils ont créé un électrolyte liquide boosté en ions de sodium et ils ont retravaillé la cathode avec des oxydes métalliques en fine couche. Leurs prototypes sont aussi puissants que des batteries à base de lithium. Ces travaux prouvent qu'il s'agit d'une technologie viable. Et enfin, dans Nature Communications, cette fois, une équipe américaine a réussi à rendre invisibles des cellules humaines. Et ces chercheurs ont travaillé à partir de cellules de petits calamars qui peuvent devenir transparentes pour se fondre dans le décor. Ces céphalopodes possèdent des protéines, les réflectines, qui modifient l'incidence de la lumière qu'elles réfléchissent. In vitro, les chercheurs ont génétiquement modifié des cellules humaines afin qu'elles expriment la réflectine. Les protéines conservent leurs propriétés même dans un environnement cellulaire humain. Alors ces travaux montrent qu'il est possible de développer des cellules humaines avec ces propriétés optiques, mais on est encore loin du sérum d'invisibilité. Natacha, heureusement que vous rigolez, je vous écolocalise. Non, on est très loin du sérum d'invisibilité, merci. On se retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Le Conseil d'État a tranché. Le 18 mai dernier, la plus haute autorité administrative du pays a ordonné à la préfecture de police de Paris de cesser d'utiliser des drones pour surveiller les rues de la capitale et prévenir les rassemblements contraires aux mesures de confinement édictées par le gouvernement. La motivation de cette décision, eh bien, aucun cadre légal solide qui permette ce genre d'usage et aucun contrôle sur les images et les données recueillies par ces appareils. Cela dit bien à quel point, dans l'état actuel des choses, l'utilisation de ces drones, qu'il s'agisse de surveillance, de loisirs, de recherche ou de cinéma, en est encore à ses tout débuts et nécessite d'être encadré plus précisément par des règles, des lois qui en définissent les limites et les restrictions. Pour parler de ces drones, de ce qu'ils sont capables de faire, de ce qu'ils vont être capables de faire et des usages que l'on peut envisager dans le futur, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Serge Chaumette et de Simon Lacroix. Tout de suite, justement, un témoignage du rapport de ces drones pendant cette période de confinement. Rappel des consignes relatives à l'épidémie de Covid-19. Tous les déplacements hors du domicile sont interdits sauf dérogation. En plus des traditionnels contrôles routiers, les brigades du littoral ont à leur disposition des drones pour veiller au bon respect des règles de confinement. Pouvant se déplacer à 1 km à la ronde et à 150 mètres de hauteur, ce drone permet à la gendarmerie de surveiller plus facilement les côtes de la région. Il suffit de prendre un peu d'altitude et en quelques secondes, on a une vision panoramique du secteur. Et c'est un gain de temps. Ça permet également de guider les patrouilles qui sont sur les secteurs, de les orienter vers les personnes suspectes qu'on pourrait détecter. Et ça permet également de vérifier que le contrôle se passe correctement. On a la possibilité de filmer, de prendre des photographies. Un outil de dissuasion efficace auprès de la population qui envisagerait un moment de détente sur la plage. Les gens, lorsqu'ils circulent, nous voient. Les gens, des fois, viennent à notre rencontre lorsqu'ils voient qu'on fait du drone. Donc, on leur explique un petit peu la démarche. En ce qui concerne le respect de l'arrêté d'interdiction des plages, pour l'instant, on n'a détecté personne. Donc, manifestement, il est bien respecté ici sur le secteur. Même s'il n'y a pas encore eu de contravention sur les plages de la commune, les gendarmes de Ouaplage vont continuer leur contrôle aérien durant toute la période de confinement. Il faudra donc prendre son mal en patience avant de pouvoir profiter d'un rayon de soleil sur le littoral. Voilà un reportage diffusé très récemment sur la chaîne d'information BFM. Peut-être une réaction à l'image auprès du grand public qui, comme je le disais, n'est certes pas une image tout à fait positive, et notamment à cause de ces usages dédiés à la surveillance, Serge Chaumette. Oui, alors effectivement, l'image du drone auprès du grand public est toujours un sujet d'interrogation. Mais bon, je pense qu'il en est de même pour toutes les technologies émergentes, puisqu'on est encore dans un domaine d'émergence. Pour revenir sur l'ordonnance Du Conseil d'État ? Du Conseil d'État, pardon, du 18 mai. C'est une requête qui a été déposée par la Quadrature du Net et la Ligue des droits de l'homme, pardon, qui avait d'abord été rejetée le 5 mai par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Elle a été représentée donc devant le Conseil d'État, en particulier pour des notions d'urgence associées à la requête. Et ce qui est intéressant, quand on analyse en fait la décision du Conseil d'État qui a effectivement demandé à la préfecture de Paris d'arrêter l'ensemble des vols avec ces appareils, c'est que finalement, ce qui est remis en cause, alors je suis pas dans le domaine juridique, donc c'est ma vision plus de personne de la technologie, je serais tenté de dire, ce n'est pas l'usage du drone proprement dit, mais c'est l'encadrement qui en a été fait. C'est-à-dire que il est reconnu qu'effectivement, il y avait nécessité pour la problématique adressée d'utiliser des mécanismes et les drones répondaient à ces nécessités. Néanmoins, un certain nombre de mises en œuvre entraînaient quelque chose qui était identifié comme du traitement de données, c'est-à-dire que au sens de la CNIL et de la réglementation sur le sujet, les données qui étaient collectées pouvaient amener à identifier des personnes pour mener un certain nombre d'opérations ensuite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la direction de l'ordre public et de la circulation, donc la DOPC, avait développé une fiche technique expliquant justement la procédure de mise en œuvre de ces appareils-là, en justifiant finalement qu'il n'y avait pas de traitement de données, je serais tenté de dire, mais parce qu'on n'allait pas le faire. Et le simple fait de dire « je collecte des données, mais je décide de ne pas les analyser » a été considéré comme insuffisant par le Conseil d'État, qui donc a demandé le retrait de ces drones et l'arrêt immédiat de tout vol. Ce traitement de données, normalement, puisqu'il n'est pas dans les réglementations standards, aurait dû d'abord être traité par un arrêté des ministres compétents et ensuite par un avis de la CNIL, ce qui n'a pas été le cas et qui a entraîné le retrait. Mais c'est pas l'usage du drone, bien sûr, me semble-t-il, tout en tant que tel, c'est vraiment l'utilisation potentielle des données derrière. Absolument, c'est tout à fait là-dessus que se fonde l'ordonnance et la décision du Conseil d'État. Vous la comprenez, cette décision, Simon Lacroix, aussi ? Oui, tout à fait. Je pense que Serge a très bien expliqué ce qui s'est passé. Hein. C'est pas le drone, c'est pas le vecteur lui-même qui a été mis en cause, c'est sa capacité à accueillir des données dans un contexte mais pas très bien légalisé, un petit peu flou. Ce qui est un petit peu intéressant, allez-y Simon Lacroix, je vous en prie. C'est qu'en fait, là, on est à faire une opération drone pour faire ce que savent faire aujourd'hui les drones le mieux, c'est-à-dire acquérir des données. Acquérir des données sur un phénomène naturel pour faire de la cartographie. Bon, en l'occurrence, c'était des données en fait qui violent un petit peu le côté vie privée et donc n'étaient pas bien encadrées. Mais donc ces drones-là étaient utilisés essentiellement dans le premier contexte d'utilisation des drones aujourd'hui. Serge Chomel, vous vouliez réagir? La réglementation existe, hein, effectivement, puisqu'on est dans un cadre classique de traitement des données personnelles. Donc le fait que ça soit un drone qui embarque les moyens de captation, finalement, ne change pas la problématique. Donc effectivement, on est dans le cadre des choses traitées par la CNIL. Ce qui est intéressant, c'est que si on prend quasiment le même scénario dans un autre contexte, on arrive à une conclusion tout à fait différente. Je pense à un projet qui a été mené il y a quelques années en Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelait « Le troisième œil du marin ». Et l'objectif, en fait, était d'embarquer un drone à bord d'un bateau pour aider les sauveteurs de la SNSM. L'idée, c'est qu'on est en mer agitée, il y a des gens qui sont tombés en l'eau, risquent de se noyer, et la SNSM, à partir de son bateau, ne peut pas voir ces gens-là du fait de la houle et des vagues. Et donc, ils envoyaient un drone qui allait, cette fois-ci, observer les gens. Finalement, la même technique qu'on retrouve aujourd'hui sur les drones de surveillance, mais cette fois-ci dans l'esprit de sauver des personnes. Effectivement, on voit un contexte d'application très différent qui est tout à fait acceptable par la population, comparé à celui qui entraîne des polémiques aujourd'hui. Simon Lacroix, vous avez eu une expression que je trouve assez savoureuse, puisque par rapport à cette mauvaise image de marque des drones auprès de la population et notamment liée à ces questions de surveillance, vous dites « il n'est pas question de diaboliser les drones, l'État s'en charge ». Effectivement, malheureusement, enfin, donc le contexte médiatique courant, cet événement, en l'occurrence, enfin, l'utilisation de drones par des forces de sécurité, ça diabolise les drones, évidemment. Alors que, comme toute technologie nouvelle, émergente, ou toute technologie du domaine général, il y a des usages du haut, et il y a des usages extrêmement plus acceptables, comme vient de le mentionner Serge. Quand il s'agit de sauver les gens, c'est pas la même chose quand il s'agit de les prévenir ou voire de les réprimer. Absolument. C'est ce vieux topos qui dit que toute une technologie n'est pas bonne ou mauvaise en soi, c'est l'usage qu'on en fait qui en détermine justement la nature. Vous confirmez peut-être l'un et l'autre, et puis on va rentrer dans le détail de ce que sont ces drones et de l'immense, on pourrait dire tératologie, pour utiliser un mot un peu connoté négativement, mais en tout cas l'immense diversité de drones et d'usages qu'il peut y avoir. Qu'en tout cas on est en train de faire le premier pas dans ce qui pourrait être qualifié de nouvelle conquête des airs, Serge Chaumette. Oui, alors ce qui est intéressant de constater, toujours pour rester sur le coronavirus, mais en même temps pour en sortir un petit peu, c'est que le coronavirus a révélé ses effets sur lesquels, et ses activités sur lesquelles on s'interroge, mais il a aussi fait émerger un certain nombre de domaines, de cas d'usage du drone, sur lesquels tout le monde s'entendra à reconnaître qu'ils sont tout à fait pertinents et ils ont une dimension humaine. Les drones ont par exemple été utilisés dans certains pays, même des pays en voie de développement, pour porter des médicaments, pour porter des défibrillateurs, pour permettre un certain nombre d'opérations là où aujourd'hui, du fait du confinement, les personnes ne pouvaient plus aller. Le pôle de compétitivité Aerospace Valley, donc qui est sur Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, s'est intéressé à compiler justement les cas d'usage pour ses membres qui sont apparus du fait du coronavirus. Et effectivement, il y a une profusion de cas d'usage avec énormément d'applications humanitaires, mais ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. On va voir, je pense, dans le sud de notre conversation, qu'il y a effectivement tout un monde qui s'ouvre, je pense en particulier à ce qu'on appelle l'urban air mobility avec les drones dans la ville, qui est aussi un domaine en pleine explosion et qui va continuer à croître dans les années à venir. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h16, nous évoquons et nous parlons des drones tout au long de cette heure. Je suis un peu perturbé, évidemment tout le monde porte des masques en régie et donc je ne reconnais plus mes collègues de travail, c'est une catastrophe. Nous parlons donc des drones en ce moment, tout au long de cette heure, en compagnie de Serge Chaumette, qui est chercheur et membre du conseil stratégique Drones et Nouveaux Usages d'Aerospace Valley et professeur à l'université de Bordeaux, et Simon Lacroix, qui est chercheur CNRS au laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes de Toulouse. Qu'est-ce qu'on entend par drone? C'est quoi exactement un drone? D'où vient ce terme d'ailleurs, Simon Lacroix? Alors, c'est un terme qui nous vient de l'anglais. En anglais, un drone, ça désigne un bourdon, ou les faux bourdons, enfin ces abeilles qui sont pas, je ne sais pas exactement quel type d'abeille. Et ça vient on utilise aussi en anglais le verbe drone, qui est faire ce bruit de bourdon ou d'abeille. Donc ça, c'est l'origine du terme. Maintenant, on ne va pas rentrer dans une bataille de définition, mais la plus simple, je pense, et universellement reconnue, c'est que les drones sont des aéronefs sans pilote embarqué. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pilote qui vole dans le drone, ce qui n'exclut pas la présence d'un ou voire plusieurs pilotes au sol. Bien sûr. Donc, maintenant, on va dire, est-ce que des avions radio commandés qu'on faisait voler dès la fin des années 60 pour le loisir, est-ce que c'est des drones? Pas tout à fait. En fait, quand on dit drone, on sous-tend aussi quand même une certaine capacité d'autonomie ou au moins d'automatique de vol. C'est-à-dire qu'en fait, un drone, aujourd'hui, on peut l'acheter un quart d'heure après qu'on ait ouvert la boîte, on le fait voler. Alors qu'un avion radiocommandé, c'est pas du tout le cas, il faut des heures et des heures d'entraînement. Donc, pour résumer, on va dire un drone, donc aéronef sans pilote. Alors là, après, vous avez parlé de tératologie, on vous parlerait plutôt de zoologie. De zoologie, bien sûr. De drone. Évidemment. On va y revenir à cette zoologie, à cette diversité. Un mot peut-être, Serge Chaumette, parce que évidemment, la différence entre l'hélicoptère télécommandé que j'avais quand j'étais petit, un drone, outre évidemment la complexité, est-ce qu'on ne sous-tend pas dans un drone qu'il y a aussi quelque part une capacité d'acquisition de quelque chose, de données, de repérage, de projection, en tout cas, à distance des capacités du pilote? Oui, alors effectivement, j'aurais tendance, comme le disait mon collègue, là, à faire remonter le drone à des périodes assez anciennes, même encore plus anciennes, puisque pour moi, j'aime bien présenter les premiers drones comme datant des années 1850. Mmh. En fait, pendant la guerre des Autrichiens contre Venise, ils ont voulu envoyer des ballons. Ils ont lâché des ballons bardés d'explosifs. Le but était, avec des déclencheurs à retardement, de faire tomber des bombes sur Venise. Alors naturellement, ils ont eu quelques soucis. Mais malgré tout, c'était un premier système sans pilote. Et puis, ce qui est intéressant de constater, c'est que la télécommande, qui effectivement est importante, puisque l'autonomie complète, on y reviendra tout à l'heure, hein, mais l'autonomie complète aujourd'hui des systèmes n'est pas réellement mise en œuvre. Le brevet qui a permis la radiocommande, en fait, c'est un brevet de Tesla. Et ça peut paraître assez incroyable, mais il date de 1898. Donc pour les amoureux des vieux livres et des vieux papiers comme je le suis, je vous invite à aller voir sur Google Patents et vous pouvez trouver ce brevet de 1898 qui est assez extraordinaire avec une démonstration de bateau radio guidé qui a eu lieu au Madison Square Garden. Mmh. Ensuite, dans les années 1900, un pharmacien allemand ou autrichien, je ne sais plus, a utilisé des pigeons voyageurs pour transporter des ordonnances. Et ce mécanisme, il l'a repris pendant la guerre de 14 pour faire des photographies à des pigeons voyageurs. Donc pareil, on mettait une caméra sur un pigeon et puis avec des déclencheurs à retardement, on espérait que le pigeon se trouvait au bon endroit pour prendre la photo. Et j'aime bien prendre cet exemple-là parce que on est sur un système, alors si je peux parler de système pour le pigeon, mais qui déjà dispose d'une certaine autonomie, et on va avoir malgré tout le besoin d'embarquer des capteurs, comme vous le disiez, et puis de les contrôler d'une certaine façon. Alors pour l'apparition du mot drone proprement dit, il y a un certain nombre d'appareils qui sont apparus peu après la Première Guerre, en particulier un appareil anglais qui s'appelait, alors excusez-moi, je regarde mes notes en même temps, voilà le Queen Bee. Donc c'est un appareil qui a été fabriqué en 1935, et ce qui est intéressant, c'était naturellement une cible pour l'artillerie, c'est-à-dire que les militaires, très vite, pour s'entraîner, ont trouvé plus sympathique de tirer sur des avions où il y avait personne plutôt que des avions pilotés. Donc ça a été une cible pour l'artillerie. Et en 1935, 400 exemplaires de cet appareil-là ont été construits. Alors il s'appelait Queen Bee, donc Reine des abeilles, donc c'est un appareil anglais. Et les Américains sont arrivés pas longtemps après, et ils ont appelé, ils ont dit, bon, votre Queen Bee, votre Reine des abeilles, on trouve qu'il fait beaucoup de bruit, on va plutôt dire que c'est un bourdon, il fait plutôt le bruit d'un bourdon. Mmh. Et donc ils sont arrivés avec un appareil qu'ils ont appelé drone. Et c'est de là que vient l'origine proprement dite du mot drone, et ça date de 1941, toujours un appareil qui servait de cible pour l'entraînement de l'artillerie. On voit bien qu'il y a deux époques. Hein. Si on avance dans la deuxième moitié du XXe siècle, les premiers drones dont on commence à entendre parler dans le grand public, ce sont des drones militaires, notamment à l'occasion des différentes guerres au Moyen-Orient. À quel moment on change d'échelle, en fait, Simon Lacroix? À quel moment on passe de ces gros avions sans pilote qui servent essentiellement soit à acquérir de l'information, soit à bombarder des cibles, eh bien à ce que l'on voit, c'est-à-dire au déferlement de ces petits drones individuels de loisirs dont on voit que, bien évidemment, et on va parler de la zoologie, toute une échelle de taille, de gamme et d'usage liée à la taille de ces appareils. Le changement d'échelle, donc, c'est l'apparition des drones utilisables pour le grand public. Et en fait, ça correspond à une conjonction de progrès technologiques qui vit de capacité de calcul embarquée, de capacité de localisation, par exemple avec le GPS ou avec des toutes petites centrales inertielles. Et c'est tous ces progrès technologiques qui traitent, c'est à la fois du côté capteur, du côté moteur aussi, d'avoir des moteurs fiables, des moteurs électriques fiables et aisément contrôlables, et puis des capacités de calcul, réunis ensemble, ont permis de faire des drones à des prix extrêmement abordables. C'est un petit peu intéressant de voir que c'est presque concomitant avec le développement des smartphones, parce qu'en fait, dans un smartphone, on a pratiquement toutes les technologies d'un drone, on a un système de localisation, on a même une centrale inertielle, il y a évidemment des capacités de calcul, même assez puissantes. Il y a des caméras, et il manque juste des hélices ou des ailes, quoi. Donc c'est une conjonction d'évolution technologique, plus aussi, et c'est très important, des batteries. Des batteries qui permettent de faire des vols de 10, 20, 15, 20 minutes, ce qui n'était pas accessible, en fait, il y a 15 ans, pratiquement. C'est à Chaumette, ce basculement vers le drone grand public, il se produit quelle année ? Alors, je pense que, enfin, pour moi, en tout cas, alors chacun, naturellement, dans ce type de discussion, a sa propre frontière et sa propre vision du basculement. Pour moi, il date, je dirais, d'une dizaine d'années, avec la mise sur le marché. Alors, je vais citer une marque, je ne sais pas si je peux me permettre. Oui, allez-y. On en citera d'autres. La mise sur le marché de l'air drone de la société Parrot. C'est ce qui a amené le mot drone dans le grand public. C'est-à-dire qu'avant, les choses existaient, mais le mot drone a été vulgarisé, connu du grand public, largement utilisé. Depuis l'apparition de ce petit appareil, hein, certains l'ont vu certainement, c'est une coque circulaire en polystyrène, avec un tout petit appareil finalement relativement fragile au milieu, qui vaut aujourd'hui sur étagère, il vaut 200-250 €, hein, mais il permet déjà de faire des manipulations assez sympathiques, il embarque une caméra, et effectivement, pour moi, c'est ce qui marque le basculement de la notion de drone dans le grand public. Mais on voit bien tout de même que entre les premiers drones militaires qui sont des condensés de très haute technologie qu'on voit apparaître dans les années 90 ou peut-être même un peu avant, je vais vous laisser me corriger là-dessus, qui sont en fait des avions aveugles sans pilote et qui vont servir de projection de la force stratégique d'un pays et notamment des États-Unis, et ces petits drones héliportés avec des hélices qui sont pour le grand public, on parle encore vraiment de la même chose, on parle vraiment du même type d'appareil, on est quand même à deux échelle très très large du spectre, Simon Lacroix. Ben, non, du point de vue du drone, les technologies sont semblables. Bon, les performances sont pas les mêmes. Hein. Avec un petit drone du commerce, on va pas traverser l'océan. Mais fondamentalement, ce sont des systèmes qui sont capables de voler sans qu'il y ait un pilote qui puisse réagir en quelques millisecondes pour corriger le vol. Et donc, aussi bien les gros systèmes militaires que les drones grand public utilisent un assemblage de technologies similaires. C'est pas la même gamme, évidemment. Vous avez mentionné, en parlant de drones militaires, projection de force. C'était pas le cas au début. C'était uniquement pour faire de l'observation, y compris par les militaires. Donc, très vite, évidemment, il y a eu des changements de doctrine. Les militaires américains, notamment, ont des drones qui sont armés maintenant. Bon, là, je veux pas trop glisser sur ce terrain et ces définitions. Mais donc, à nouveau, les premiers drones étaient utilisés, comme l'a mentionné Serge, remontant bien plus loin dans le temps, étaient utilisés pour acquérir des informations. Alors, justement, de ces drones de plusieurs tonnes qui servent bien, donc au moins à projeter un regard, si ce n'est à projeter de la capacité de frappe, à ces nanodrones aujourd'hui, puisqu'on arrive à des drones extrêmement petits. Parlons un peu de cette zoologie. Comment est-ce qu'elle s'est développée? À partir de quelle technologie? Qu'est-ce qui a permis de réduire? Et puis surtout, on verra dans une deuxième partie quels usages. Mais est-ce qu'on peut faire un peu un tour de la zoologie complète de ces drones, puisqu'on parle de drones aériens, mais on va voir qu'il n'y a pas que de drones. Il y a d'autres drones sous-marins aussi, Serge Chaumette. Oui, alors effectivement, aujourd'hui dans le grand public, quand on parle de drone, on pense d'abord à drone aérien. Mais comme le disait Simon tout à l'heure, en fait, un drone, c'est un système piloté à distance, essentiellement un système piloté à distance. D'ailleurs, la terminologie américaine dont on a hérité parlait au début d'UAV, Unmanned Aerial Vehicle, donc véhicule sans pilote à bord. Et maintenant, on utilise en américain la terminologie RPAS, Remotely Piloted Aircraft System. Mais on peut remplacer le aircraft system par n'importe quoi aujourd'hui. Donc, c'est juste si on traduit par des... Je vous interromps, Serge Chaumette, mais c'est donc Remotely Piloted, donc piloté à distance, aircraft system, système aérien ou aéronautique. Exactement, voilà. Exactement, pardon. Non, pas de problème. Donc effectivement, la définition piloté à distance va s'appliquer aussi bien à un système aérien qu'à un système sous-marin, qu'à un système de surface, donc un bateau qu'on appelle dronisé dans ce cas-là. Il y a aussi des systèmes dronisés sous-marins. Et le grand public connaît d'ailleurs les drones sous-marins, parfois sans le savoir, mais pas de son fait. Simplement, l'information n'est pas forcément évidente à capter. Quand il y a eu le crash du vol Rio-Paris, il y a un certain nombre d'années maintenant, ça devait être 2005, peut-être quelque chose comme ça, on a perdu la carcasse de l'avion entre Rio et Paris. Et il a fallu un certain temps pour la retrouver. Et en fait, ce sont deux drones sous-marins de l'Ifremer qui ont permis d'identifier la carcasse. Donc les drones ont été déposés dans l'eau, ils se sont débrouillés, et eux avaient quand même pas mal d'autonomie, parce que la communication entre surface et profondeur, en particulier quand on descend très loin, devient extrêmement difficile. Donc ces drones-là avaient beaucoup d'autonomie, ils faisaient des captations d'images sous toute forme, et de temps en temps ils se rapprochaient de la surface pour remonter les informations qu'ils avaient collectées. Donc c'est des appareils qui sont aussi utilisés, vous voyez, je citais 2005, depuis de nombreuses années. Un mot justement sur cette question, Simon Lacroix, de l'autonomie. C'est vraiment aujourd'hui l'un des enjeux, alors on va parler du futur, mais du présent, d'augmenter au maximum l'autonomie de ces appareils. Je ne sais pas, par exemple, les drones militaires, les gros drones militaires ont des autonomies qui sont, il me semble, relativement courtes. Qu'en est-il justement de cette question? Alors, plusieurs choses. Vous avez dit autonomie courte en termes de temps de vol long, évidemment, hein, des gros drones volent très longtemps. Je vais reprendre un tout petit mot les expressions que vient d'utiliser Serge à propos de drones, parce qu'il y a un mot qu'il faut qu'on dise quand même, c'est le mot robot. Un drone, en fait, c'est un robot aérien. Et de fait, le glissement sémantique, puisque donc on a vu l'étymologie du mot drone, hein, c'est quelque chose qui vole, qui fait le bruit d'un bourdon, jusqu'à drone terrestre ou drone sous-marin, bon, c'est un glissement sémantique qui vient du domaine militaire. Et il représente en fait ce que signifie implicitement le mot drone, c'est-à-dire un système sans pilote. Donc ça, c'était juste pour faire une sans pilote embarqué. Précise. Sans pilote embarqué, pardon. Et alors, en ce qui concerne l'autonomie, donc Serge a bien mentionné des acronymes, il y en a un troisième. Donc l'acronyme UAV, donc Unmanned Aerial Vehicle, qui est transformé maintenant en Remotely Piloted Aerial System. Il y a un autre acronyme qui apparaît, c'est AAV, c'est-à-dire Autonomous Aerial Vehicle. Mmh. Véhicule alors, là, autonome aérien. Précis. Voilà, exactement, merci. Et donc cette fois-ci, alors quand on parle d'autonomie, là, on ne parle pas du tout d'autonomie énergétique, on parle d'autonomie de décision. La différence quand il y a un pilote qui pilote un drone et qui voit par exemple les images qu'il capte, c'est que c'est quand même le pilote qui commande le drone. C'est, il ne commande pas la vitesse de ses moteurs un par un, mais qui donne des ordres au drone. Une des frontières qui est en train d'être franchie, et là je pense qu'en fait elle est déjà beaucoup plus franchie par les petits drones grand public que par les gros drones militaires dont vous parliez, c'est des systèmes en fait où le pilote mais vraiment, n'a absolument besoin d'aucune connaissance de pilotage. Où il dit, il prend son smartphone, il désigne une zone, par exemple son jardin, et il dit au drone, va me cartographier mon jardin. Et donc, et puis après, il peut aller boire un café ou faire quoi que ce soit, et le drone fait tout ça de manière autonome. Donc ça, c'est une frontière qui est en train d'être franchie. Bien sûr. C'est un passage que moi j'aime appeler, enfin c'est peut-être un peu réducteur, le passage de l'automatique à l'autonomie. Et cette frontière, elle est déjà, à mon avis, je crois, plus franchie pour des drones grand public que pour des drones militaires, ou par essence, si vous voulez, dans les doctrines militaires, avoir une machine qui en fait un petit peu casse-à-tête, c'est assez peu acceptable, y compris d'ailleurs dans le grand public. Tout à fait. Eh bien, c'est exactement ce dont il va être question. On va se projeter un peu dans le futur. Ce défi de l'autonomisation, de l'automatisation, mais on va voir que on parle de drones au singulier, mais que les drones peuvent aussi fonctionner au pluriel, dans des nuées. On en parle dans un instant. I am the maker of rules, dealing with fools. Eye in the Sky d'Alan Parsons Project à 16h35 sur France Culture. L'œil dans le ciel, c'est ce dont il est question tout au long de cette heure, puisque nous parlons de drones, mais nous venons de voir, pardon, qu'il n'y avait pas que des drones dans le ciel, il y en a aussi à la surface de l'eau, il y en a aussi sur terre, il y en a aussi sous la mer. C'est tout ce que nous allons évoquer dans cette deuxième partie d'émission, en compagnie toujours de Serge Chaumette, qui est chercheur et membre du conseil stratégique drones et nouveaux usages d'Aerospace Valley, professeur à l'université de Bordeaux et cofondateur de la start-up Preditic, et Simon Lacroix, chercheur CNRS au laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes à Toulouse. Nous étions arrêtés, messieurs, juste avant la petite pause musicale et ces mélodies d'Alan Parsons Project, sur cette question de l'automatisation, de l'autonomisation. Peut-être un mot là-dessus, Serge Chaumette. Aujourd'hui, on sait construire des drones qui n'ont presque, pour ainsi dire, plus besoin de commandes humaines. On sait construire des drones, oui, qui n'ont plus besoin de commandes humaines. J'en profite justement pour rebondir sur la terminologie, le S qu'on a évoqué tout à l'heure dans la terminologie AirPass pour système téléopéré, mais on a bien la notion de système, c'est-à-dire que le drone finalement, si on prend un drone tout seul sur étagère, qu'on va trouver type grand public, ça reste un gadget, ça reste un jouet qu'on va faire voler pour s'amuser. Ce qui est intéressant, c'est que le drone est intégré dans un système. Donc généralement, il y a ce qu'on appelle une station sol, il y a des opérateurs, il y a des centres de décision, qu'ils soient militaires ou civils. En tout cas, le drone fait partie d'un ensemble. Il va servir à collecter des données, et ces données vont par la suite être exploitées, et c'est ça qui fait sa valeur. Aujourd'hui, quand on va dans des salons drones, on va trouver un ensemble de fabricants, un nombre de fabricants assez impressionnant, qui finalement vont proposer des engins professionnels, mais finalement, somme toute, assez comparables. Ce qui va en faire la différence, c'est ce qu'on appelle la charge utile, c'est-à-dire les choses qui sont embarquées, les capteurs, la capacité de décision. Et justement, pour aller vers cette autonomie, il faut disposer de capacités de calcul et de captation embarquées qui soient efficaces en termes de captation, c'est-à-dire qu'on remonte bien les données qui vont nous aider à prendre des décisions dans l'appareil lui-même. Donc aujourd'hui, on sait faire des appareils qui sont complètement autonomes. Restent deux problématiques. Naturellement, il y a une question de réglementation, puisqu'aujourd'hui, le vol de ces choses-là n'est pas possible. Et puis, une problématique très, très importante, qui est somme toute assez peu explorée, qui est ce qu'on appelle la certification. C'est-à-dire comment apporter des garanties sur le fait que le système B va être dans un certain contexte, va respecter un certain nombre de règles et ne va pas tomber, ne va pas s'écraser n'importe où. Et c'est un des enjeux de l'autonomie. Mais on arrive à faire des choses aujourd'hui, peut-être qu'on l'abordera un tout petit peu plus tard dans l'émission, mais c'est personnellement mon sujet de recherche, et c'est non seulement l'autonomie d'un engin, mais l'autonomie de ce qu'on appelle un essaim, c'est-à-dire qu'on va mettre 5, 10, 100 appareils en l'air. On va y venir dans un instant. Simon Lacroix, un mot tout de même sur l'autonomie. Comment est-ce qu'on passe de deux pilotes, hein, parce que sur les drones d'acquisition un peu complexes, il y a un pilote pour commander et un pilote pour s'occuper justement de la collecte d'informations, de la prise de vue notamment, mais pas que. Comment est-ce qu'on passe de deux pilotes à zéro? C'est une vaste question. Vous avez une demi-heure, allez-y. Non, c'est en dotant le drone de capacité d'autonomie. Voilà, si vous voulez une réponse courte. En quoi ça consiste l'autonomie? L'automatique, on connaît tous ça très bien depuis des décennies. Hein, on a des systèmes de chauffage automatique, de régulation de vitesse de voiture automatique. Les systèmes autonomes, on en parle de plus en plus, mais ils arrivent seulement. Donc on parle par exemple de voitures autonomes. Aujourd'hui, vous faites très bien la différence quand je dis une voiture automatique, ça veut dire une voiture avec une boîte automatique, et une voiture autonome, donc c'est des voitures qu'on imagine voir arriver dans je ne sais combien d'années dans nos environnements. La notion d'autonomie, alors vu de l'extérieur, d'un point de vue opérationnel, un système autonome, en fait, il exécute des ordres de très haut niveau. Hein, aller cartographier ça, aller chercher tel événement particulier dans telle zone. Quand on regarde un petit peu plus sous le capot, et c'est ce qui nous intéresse plus, c'est qui est l'objet des recherches que fait Serge, que je mène aussi, et en gros que mènent actuellement tous les chercheurs sur les drones dans le monde entier, le passage à l'autonomie, qui est déjà grandement franchi dans beaucoup de laboratoires, ça demande une capacité supplémentaire. Pour l'automatique, on a un lien qui est direct entre la perception d'un état et la réaction. Par exemple, pour suivre une trajectoire, on mesure l'écart à la trajectoire et on réagit directement sur la commande des moteurs pour se recaler sur la trajectoire. Ça, c'est de l'automatique. C'est ce que fait un pilote automatique d'avion. C'est ce que fait un système de chauffage automatique. Pour l'autonomie, il y a besoin d'une fonction supplémentaire qu'on appelle la décision, qu'on peut appeler la délibération. C'est-à-dire qu'entre la perception d'un état du système, d'un état de l'environnement dans lequel il se trouve, et la prise de décision, il y a une phase, donc très calculatoire, de délibération, d'évaluation des conséquences de toutes les décisions possibles et de choix de la décision optimale. Donc c'est quand au sein d'un système, disons de traitement de l'information, on a ces algorithmes dits de décision, de délibération, on peut commencer à qualifier le système d'autonome. On verra dans quelques minutes justement à quel but, à quelle fin développer l'autonomie de ces drones. J'aimerais qu'on parle avant cela aussi de quelque chose qui est très impressionnant. Vous qui nous écoutez, vous avez peut-être vu des vidéos de balais de drones. Ça peut être utilisé pour le décorum. On a pu voir par exemple des espèces de fresques lumineuses dans le ciel nocturne, notamment. Moi, j'ai en tête une vidéo faite en Chine qui est effectivement très très impressionnante. On arrive presque à de l'holographie en 3D avec une nuée de drones coordonnés. Mais à cette question de l'essaim, on a fait il n'y a pas très très longtemps une émission ici pour parler des ce qu'on appelle les systèmes complexes dans la nature, c'est-à-dire les nuées d'oiseaux, les bancs de poissons qui sont effectivement des modèles mathématiques très très complexes. Aujourd'hui, cette technologie de l'essaim, elle est à l'ordre du jour, Simon Lacroix, elle est opérative. Oui, alors... les systèmes que vous mentionnez, donc, qui font des espèces de feux d'artifice contrôlés dans le ciel, ce sont des systèmes automatiques. En fait, ces systèmes, les trajectoires qu'ils doivent faire, les lumières, les couleurs qu'ils doivent afficher, sont complètement prédéfinies. Et on envoie tous les drones. Alors maintenant, on fait des choses avec plusieurs milliers de drones. Disney a fait un véritable business avec ça. Donc, ce sont en fait des systèmes qui ne sont pas du tout autonomes. Alors, on peut parler des simples parce qu'ils sont nombreux, mais ils se contentent de réaliser un programme qui a été prédéfini. Si on parle d'essaim ou de flotte, alors là aussi il y a une terminologie avec en général des sous-entendus d'ailleurs. Là on commence à s'intéresser notamment à des drones qui coopèrent entre eux, qui se mettent à plusieurs pour réaliser une tâche, que ça soit une tâche d'observation, de cartographie. On imagine bien que si on met plusieurs drones, on acquérira plus rapidement des informations pour faire la carte qu'on souhaite. Donc il y a des niveaux de coopération qui eux font appel à de l'autonomie. Et c'est pas avec de l'automatique qu'on fait vraiment de la coopération au sein d'une flotte ou d'un essaim. Qu'est-ce qu'on peut justement à quoi on arrive déjà avec ce niveau de technologie Serre-Chaumette, autonomie, fonctionnement en flotte pour ne pas dire essaim, parce qu'évidemment on imagine bien qu'essaim est un petit peu plus connoté négativement, ça rappelle les insectes, c'est évidemment moins agréable. Je crois qu'on pas peut forcément. Non, pas forcément, mais je sais pas, je vous laisse commenter ça. Ah non, mais je vais laisser passer par les Serge de long, mais allez-y, ça n'est pas du tout connoté négativement. D'accord. Ça sous-entend, mais je pense que Serge en parlera bien mieux que moi, ça sous-entend une certaine approche en fait de la collaboration entre d'accord. les systèmes. D'accord. Alors laquelle, non mais allez-y, je vous en prie Simon Lacroix, quelle approche ça sous-entend essaim par rapport à flotte? Ça sous-entend une approche qu'on observe un petit peu dans la nature, dans les populations de d'oiseaux, de fourmis, enfin d'insectes sociaux. Où en fait il n'y a pas de système central et c'est des collaborations uniquement locales. Les systèmes, chaque drone va collaborer uniquement avec ceux qui sont dans son voisinage, ben, par exemple pour éviter de leur rentrer dedans, tout simplement, sans qu'il y ait une espèce de décision collective, délibérée collectivement, qui soit appliquée. Ça sous-entend aussi donc des approches plutôt réactives et un petit peu moins délibératives. Et juste un mot, vous avez fait une émission sur les systèmes complexes en parlant des essaims, mais chaque sous-système d'un essaim, chaque drone ou chaque insecte est un système complexe. Bien entendu. Serge Chaumette, je vous en prie. Oui, on parlait de balais de drones, là j'en profite pour saluer mes amis de la société Dronisos, une jolie start-up bordelaise qui justement fait des spectacles avec des centaines de drones lumineux. Ils ont travaillé en particulier avec Disney dont on parlait tout à l'heure, et donc ils sont un peu cloués au sol, au moins hors de la France, là, du fait du coronavirus, mais les activités reprennent, et ils vont revoler avec un nombre considérable de drones à Istanbul dans pas longtemps. Et alors, je tenais à en parler aussi, parce qu'on parle beaucoup, suite au coronavirus, de remercier les soignants. Donc, chaque personne, chaque société avec sa spécialité essaye de le faire. Et justement, je voulais signaler que Dronisos a mis en place une offre qui permet, à travers des spectacles, de dire merci aux soignants. Voilà, petite parenthèse. On va essayer de trouver le lien et de le mettre sur notre fil Twitter, @lamethodefc. D'accord, très bien. Alors, pour venir sur le sujet de l'automatisme et des essaims, donc effectivement, ça, c'est mon sujet de recherche quotidien, et naturellement avec les gens avec qui je travaille. Donc, ce qu'on cherche à faire, l'essaim, effectivement, comme le disait Simon, il va avoir, d'une part, une autonomie. Donc, on n'est plus sur l'automatique, mais on est sur de l'autonomie. Et puis, il y a cette notion d'auto-organisation, c'est-à-dire qu'on va coder des comportements individuels dans chacun des engins. Et le fait que les engins collaborent, alors comment est-ce qu'ils vont collaborer en échangeant des messages de proche en proche, va amener à l'apparition d'un comportement qu'on appelle comportement émergent. Je vais prendre un exemple qui va être très parlant. vous prenez des gens, vous prenez des personnes, un grand couloir, but du jeu, il y a une partie des personnes qui doivent aller à une extrémité du couloir, les autres personnes doivent aller à l'autre extrémité. Et vous laissez les gens se débrouiller. Que vont faire les gens? Ben, ils vont s'auto-organiser de proche en proche. Et on va arriver au phénomène suivant, ça va être la constitution de deux files d'individus, l'une qui va aller dans un sens et l'autre qui va aller dans l'autre. Et ça, finalement, n'a été mis en œuvre sans aucune concertation globale, mais simplement par la décision de chaque individu en fonction du comportement des individus qui l'entourent. On a la même chose quand on a un vol d'oiseaux qui se forme en V. Les oiseaux se calent, pour l'essentiel, pour simplifier, sur l'oiseau précédent. Et on a une structure en V qui émerge, mais qui ne résulte pas d'une décision globale, mais vraiment d'une décision purement locale de l'individu. Mmh. Donc ça, c'est un premier point, avec ce qu'on appelle ces comportements émergents. Pour avoir de l'autonomie aussi, un souci qu'on a, c'est il faut être capable d'être très réactif à ce qui se passe dans l'environnement. Donc d'une certaine façon, être capable de réagir à l'imprévu, ce qui est quand même le summum de la complexité. Hein, comment prévoir une réaction qu'on va avoir face à un événement qu'on ne connaît pas. Par exemple, le passage d'un oiseau, un moteur qui tombe en panne ou des choses comme ça. Exactement ce type de choses-là. Donc quand on a un engin, on comprend bien que c'est extrêmement difficile. Il y a des solutions qu'on ne peut pas résoudre. Hein. Quand un moteur tombe en panne sur un engin, quoique l'engin va venir se poser, c'est une première approche. Hein. Mais la complexité augmente quand on considère une centaine d'engins. Donc la façon dont on procède dans les recherches là qu'on mène dans mon équipe, l'idée c'est de dire chaque engin finalement ne travaille qu'avec son entourage, avec ses voisins immédiats, donc les gens qu'il voit finalement, les drones qu'il voit. Et il fait aussi l'hypothèse que quand il cherche à communiquer avec une personne, un engin qui est proche de lui, il va envoyer un message, mais il ne sait pas si le message est reçu. Donc il va demander ou il va envoyer, passer une information à quelqu'un qui est proche, mais il ne sait pas si le message est reçu. Et si le message est reçu, il ne s'attend pas à recevoir une réponse parce que la personne peut avoir bougé, peut avoir disparu. Et utiliser une approche comme ça, comme le disait Simon, qui consiste à finalement à redesigner, à reconcevoir complètement les applicatifs qu'on embarque sur ces engins-là, nous permet d'être résistants à la perte des communications entre les engins et à la perte des engins. Donc ça permet d'apporter une résilience extrême qui est complètement nécessaire pour avoir l'autonomie non seulement de l'engin individuel, mais de l'essaim global. Et en utilisant cette technique-là, on a fait voler et on a la prétention de penser, on va dire, qu'on a fait voler le premier essaim totalement autonome en 2012, dans le cadre d'une collaboration avec un certain nombre d'industriels, d'envergure nationale et un soutien de la DGA à travers des financements en particulier de bourses de thèse. Hein. On a fait voler le premier essaim complètement autonome. Avec combien d'appareils militaire. En l'occurrence, on avait 5 appareils, mais tout simplement pour des raisons de moyens et de budget. Hein. Mais l'applicatif est conçu, on aurait pu en mettre 100, 500. Le fait de communiquer de proche en proche d'un appareil à l'autre fait qu'on ne sature pas en fait la bande réseau et que donc on peut multiplier autant qu'on le souhaite le nombre d'appareils. Est-ce que... Oui, allez-y, je vous en prie. J'allais expliquer. Donc ça, c'est l'aspect technique et l'aspect algorithmique, informatique, électronique du système. L'intérêt de faire des essaims, quel est-il? Je vais prendre un exemple très très concret. On imagine une ville qui a beaucoup de sites Seveso. Je pense à la ville du Havre en particulier, où le nombre de sites Seveso est extrêmement important. On va avoir besoin de surveiller cette ville pour détecter des émanations de gaz toxiques, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre un drone et le faire voler, finalement, assez bas dans la ville. Que va faire ce drone? Il va être capable, avec un nez chimique, de détecter la toxicité de certaines émanations. Le problème, c'est que l'émanation va commencer par une fumée qui peut être à l'autre extrémité de la ville. Si le drone vole bas, il va pas voir la fumée. Quand il l'aura vue, il pourra aller la sentir pour voir si c'est toxique ou pas, mais il ne la verra pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire voler des drones en plus haut niveau. Les drones de haut niveau, eux, vont voir la fumée et vont pouvoir demander aux drones de bas niveau d'aller sentir cette fumée pour voir si elle est toxique. Et donc là, on voit qu'en combinant plusieurs appareils entre eux, ben, on rajoute finalement une nouvelle fonction qui n'est pas réalisable avec un appareil unique. Donc le vol en essaim, c'est une de ses caractéristiques. Il permet de créer de nouvelles fonctions qui ne sont pas réalisables sinon. Il permet de faire ce qu'on appelle du vol continu, quand on a plusieurs appareils en vol, mais si un a besoin de recharger ses batteries ou de remplir son réservoir, il va pouvoir aller se poser, les autres vont prendre le relais, et un certain nombre de choses comme ça, qui rajoutent des fonctions et de la pertinence à la solution essaim de drone. La question, ben, ça embraye parfaitement avec la question que je voulais vous poser. Est-ce que il y a une différence dans un essaim entre un essaim type chaud lumineux où tous les drones ont exactement la même fonction fonctions, et un essaim comme vous venez de décrire, c'est-à-dire avec des drones qui ont des fonctions différentes, qui ont des fonctions complémentaires. Vous prenez l'exemple d'une surveillance de sites Céveso ou d'usines chimiques, ça peut être aussi sur un théâtre d'opérations militaires où on peut attendre des drones qu'ils aient pour certains bien une fonction d'opération et pour d'autres une fonction de repérage. Est-ce que ça complexe, est-ce qu'on peut complexifier, jusqu'à quel niveau peut-on complexifier les essaims en ajoutant des éléments qui ont des fonctions différentes? Simon Lacroix. Vraiment, je répète, la grosse différence entre les chauds lumineux, c'est que ce sont des systèmes qui sont automatiques et qui ne sont absolument pas autonomes. Mmh, mmh. Si par exemple il y a un drone qui tombe, bon, ça arrive, il n'y en a pas un autre qui va dire « Ah mais cette lumière, il faut absolument qu'elle soit là, parce que sans ça on ne peut pas lire le texte qu'on essaie d'afficher », et qui va prendre la décision d'aller remplacer le drone qui est tombé. Donc ça, ce sont des systèmes automatiques. Les essaims dont vient de parler Serge sont des systèmes en fait qui sont doués d'autonomie, parce que capables d'analyse de situation, capables de délibération, de communication, de coopération. Donc la grosse différence, elle est là en fait. Hein. Et autant donc des systèmes qui font des chauds lumineux, ça existe depuis quelques années, c'est complètement maîtrisé. Autant des systèmes de flotte, de drones autonomes qui surveillent intelligemment, j'ai envie de dire, une zone, ça n'existe pas encore vraiment. J'ai lu... On y travaille. Hein. Oui, bien sûr, c'est en cours de recherche, bien sûr. J'ai lu qu'il est aujourd'hui, il existe, ou en tout cas, c'est peut-être à l'état de recherche également, Serge Chomette, des drones qui sont capables de s'assembler dans les airs, des drones cubiques qui se collent les uns aux autres pour développer d'autres fonctions. Comment ça se passe? C'est un projet qu'on est en train de mener actuellement au LABRI, donc mon laboratoire de rattachement. C'est un projet qui est financé par la SAT Aquitaine. Alors les SAT, ce sont les sociétés d'accélération du transfert technologique. En fait, ce sont les services de valorisation des universités qui ont été externalisés dans des structures privées et qui identifient des projets au sein de laboratoires pour essayer de déposer des brevets, de licencier des solutions à des industriels, voire la création voire conduire à la création de start-up. Et dans ce cadre-là, la SAT Aquitaine me finance un projet dans lequel on fabrique effectivement des drones cubiques qui vont venir s'assembler les uns aux autres, de sorte à changer la fonction de l'appareil. C'est-à-dire que on va pouvoir démarrer, par exemple, une mission de jour avec un système de drone qui va embarquer un échimique et puis une caméra classique. Et puis la nuit va tomber et on se dit « Ah ben là, finalement, la caméra classique, elle fonctionne pas, je voudrais une caméra infrarouge ». Et donc, on va désassembler cet ensemble de cubes, on va enlever un cube. Pendant le vol, hein, il va s'en aller, il va aller se poser ailleurs, et à sa place va venir s'installer un système équipé d'une caméra infrarouge. Donc, ça permet de redimensionner l'engin à la volée pendant la mission. Et l'avantage, c'est que, deux possibilités, soit le système est complètement autonome, auquel cas, très bien, on ne s'en occupe pas. Mais si jamais on a besoin, dans certaines opérations, malgré tout, de conserver un opérateur, l'avantage pour l'opérateur, c'est qu'au lieu de contrôler plusieurs engins, mais il en a un seul à contrôler et ça lui simplifie énormément la tâche. Mmh. Un mot également peut-être sur une autre piste de recherche, parce que là pour le moment on est sur des fonctions qui sont dans l'ensemble des fonctions passives, hein, d'acquisition, d'observation, de collecte de données. Quid des drones interventionnels, c'est-à-dire qui pourraient interagir avec le terrain ou avec l'environnement, notamment on pense à des bras mécaniques, c'est de la science-fiction, Simon Lacroix? Non, c'est la science. Oui, c'est bien, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, alors ça, c'est une autre frontière de recherche sur les drones. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourrait du coup plutôt parler de robots aériens, parce que quand on pense à un robot, on pense souvent à un bras manipulateur, à quelque chose qui effectue quelque chose sur l'environnement en interaction physique. Et donc ça, c'est une des frontières qui est en train d'être traversée au niveau de la recherche, au niveau mondial et national. Mais ça reste encore uniquement au niveau de la recherche. Ça a énormément d'intérêt. Par exemple, on peut imaginer que toutes les interventions qui nécessitent des opérateurs et un échafaudage, voire des alpinistes dans des conditions un petit peu compliquées, pourraient tout à fait être faites par des drones qui sont dotés de capacités, qui sont outillés, hein, qui ont un bras manipulateur. Au bout de ce bras, il peut y avoir une perceuse, un capteur, par exemple, pour aller sonder l'intérieur d'une structure en béton, des choses comme ça. Et c'est clairement une... Voire une arme, si on imagine le pire des scénarios. Oui, tout à fait. Mais alors là, avec une arme, à moins que ça soit une arme blanche, on n'a pas besoin d'interaction physique vraiment avec l'environnement, puisqu'on peut tirer à distance. Mais là, les systèmes que j'évoque, en fait, sont des systèmes où le drone doit être en contact avec l'environnement. Bien sûr. Et ça, c'est une petite révolution presque copernicienne, si je puis dire, parce que, en fait, un drone, quand il est en contact avec l'environnement, aujourd'hui, c'est un crash. Ou alors, dans le meilleur des cas, c'est un atterrissage. Là, en fait, ce qu'on veut faire, c'est des engins qui volent et qui sont en contact avec l'environnement. Je vais prendre un exemple extrêmement simple. Un des marchés aujourd'hui effectifs des drones, c'est par exemple l'observation de grandes structures, comme des bâtiments de génie civil, des ponts, et ces observations sont faites à l'aide de caméras pour essayer de détecter des fissures, des choses comme ça. Si on veut, par contre, aller voir l'état de corrosion du ferraillage à l'intérieur du béton, on ne peut pas le faire avec une caméra, il faut poser un capteur exprès, alors il y a différentes technologies de capteurs, et c'est-à-dire donc qu'il faut que le drone aille coller le capteur sur la surface de béton. Et puis, il ne fait pas ça en un point, il va aller faire ça, il va balayer, enfin il va, entre guillemets, essuyer le béton en percevant des données qui sont à l'intérieur. Et donc ça, du point de vue de la recherche, ça pose encore énormément de difficultés. Qui sont qui traitent surtout d'ailleurs justement de l'automatique, d'ailleurs plus que de l'autonomie, hein. C'est un petit retour vers l'automatique, entre guillemets, parce qu'il faut que les systèmes soient capables de réagir à des fréquences de l'ordre du kilohertz, à des efforts qui ne sont pas faciles à percevoir. Hein, vous imaginez un système, un drone qui frotte un mur, par exemple, selon la rugosité du mur, ça va changer, et ça va énormément perturber ses capacités de vol. Peut-être, on arrive dans les toutes dernières minutes de cette émission, il y avait plein de choses, on n'a pas beaucoup parlé des usages, il est vrai, que ce soit dans le domaine civil ou dans le domaine militaire, mais on avait consacré, pour le domaine militaire, je peux vous renvoyer à cette émission, une émission complète à l'armée du futur, ou en tout cas au déploiement, et avec cette question qu'on va pas poser aujourd'hui, qui est celle de l'autonomisation du tir, évidemment, on n'en parlera pas, ça prendrait beaucoup trop de temps, on en aurait pour une heure entière, mais peut-être, aujourd'hui, dans le panorama qu'on vient de décrire, Serge Chomette, on peut imaginer donc des flottes, des essaims de drones qui sont autonomes, qui sont multimilieux, sous l'eau, sur terre, dans l'air, qui sont coordonnés, interventionnels. Là, je le disais tout à l'heure, c'est de la science-fiction, mais en fait, c'est pas du tout de la science-fiction. C'est quoi? C'est 2 ans, 5 ans? On est capable aujourd'hui de développer des prototypes. Moi, je suis en relation avec un grand groupe international avec lequel on réfléchit actuellement à un scénario, alors toujours scénario dual, hein, militaire et civil. Le dual, c'est le déminage pour les mines flottantes en mer, et l'autre, c'est pour la détection des bancs de poissons. L'idée, c'est d'avoir des drones aériens, des drones sous-marins, des drones de surface, tout ce petit monde se concertant de manière intelligente pour détecter soit les mines, soit les bancs de poissons. Donc on est en train de réfléchir au scénario, et on va le mettre en œuvre, hein. C'est quelque chose qui est tout à fait réalisable aujourd'hui. J'en profite pour rebondir sur les aspects autonomie et IA. En fait, quand on a un essaim autonome, on a une sorte d'intelligence embarquée. Et ce qui titille l'intellect, je dirais, c'est que on sait de quelle configuration on part, on sait la mission qu'on veut réaliser, et le fait qu'on ait cette intelligence embarquée, cette autonomie de décision, fait finalement que les engins vont prendre un certain nombre de décisions qu'on n'a pas nécessairement prévues à l'avance. Donc on a vraiment une autonomie dans le comportement que même le concepteur du système ne voit pas nécessairement. Et je travaille actuellement sur un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui va consister à faire jouer des drones au volleyball. Alors, l'idée, c'est pas de jouer au volleyball, hein. L'idée, c'est d'avoir un terrain pour se challenger sur les avancées technologiques, et donc dans lequel on va avoir effectivement, dans un premier temps, un drone de chaque côté du filet qui vont se renvoyer la balle. De façon autonome, hein, c'est-à-dire sans pilote, voilà. Sans rien. Complètement autonome, d'où là c'est un vrai exemple d'autonomie avec une prise de décision à bord, hein, et effectivement ça va être assez intéressant, et on aura aussi une partie actuateur, donc le fait d'agir sur l'environnement pour envoyer des ballons. Et si je peux dire un dernier mot, bien sûr. Pour voir tout un tas de cas d'usage, pour voir des drones professionnels, des utilisations sur les traitements de données, on a un gros événement à Bordeaux qui s'appelle l'UAV Show, qui est le salon européen du drone. Donc c'est un salon professionnel, mais il y a une journée grand public. Alors il a été reporté cette année du fait du coronavirus, mais je vous invite à venir à Bordeaux en 2021. C'est sur un espace sur lequel il y a aussi des essais en vol. Et on aura le 16 septembre de cette année, malgré tout, une journée qui s'appelle UAV Day, qui est réservée aux professionnels, mais qui est tout à fait comparable et qui permet de voir plein d'engins à l'œuvre. Merci beaucoup, Serge Chomette. On va essayer de trouver tout ça pour le mettre, comme toujours, sur notre fil Twitter, @lamedfc. Merci à tous les deux. Merci, Serge Chomette. Merci, Simon Lacroix, d'être venu nous parler des drones. Il y aura évidemment l'occasion de refaire une émission sur les usages et sur les questions de réglementation qu'on a effectivement très peu abordées. Mais en tout cas, ce panorama technique était déjà relativement impressionnant. Merci à vous deux. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Alexandra Delbo, Antoine Beauchamp, Natacha Triou, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, et sous son masque, Anthony Thomasson à la technique. Demain, on parlera d'épidémie encore, mais d'épidémie passée. Retour sur l'histoire de la médecine vue par le prisme des grandes maladies qui ont frappé l'humanité. Comment les épidémies ont-elles fait évoluer la connaissance et l'histoire des sciences? On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.